restitution des rêves. Restitution des rêves. Restitution des rêves. Restitution des rêves. Yeah. lèvres dans une mer de feu. Et l'orage indifférent s'en donne à cœur joie. Il se foutrait un peu de nos gueules que ça m'étonnerait pas. M'en fous. Moi aussi, je sais faire du bruit. Connard.